Diable! Tonnalgarade a son danger. Prends garde. Le comte Donat, qu'il aime aussi, la garde et comme un majordome et comme un amoureux. Quelque reître une nuit, gardien un peu langoureux, pourrait bien, frère, avant que ton bouquet se fane, te le clouer au cœur d'un coup de pertuisane. Mais quelle idée! Aimer la reine! Ah, ça! Pourquoi? Comment diable as-tu fait? Est-ce que je sais, moi? Oh, mon âme au démon, je la vendrais, pour être un des jeunes seigneurs que de cette fenêtre, je vois en ce moment, comme un vivant affront, entrer, la plume au feutre et l'orgueil sur le front. Oui, je me damnerai pour dépouiller ma chaîne et pour pouvoir, comme eux, m'approcher de la reine avec un vêtement qui ne soit pas honteux. Mais, ô rage, être ainsi, près d'elle, devant eux, en livrée, un laquais, être un laquais pour elle. Ayez pitié de moi, mon Dieu. Je me rappelle. Ne demandais-tu pas pourquoi je l'aime ainsi, et depuis quand? Un jour. Mais à quoi bon ceci? C'est vrai, je t'ai toujours connu cette manie. Parmi les questions, vous mettre à l'agonie. Demandez où, comment, quand, pourquoi? Mon sang bout. Je l'aime follement. Je l'aime, voilà tout. Là, ne te fâche pas. Non, je souffre. Pardonne. Ou plutôt, va, fuis-moi. Va-t'en, frère. Abandonne ce misérable fou qui porte avec effroi, sous l'habit d'un valet, les passions d'un roi. Te fuir? Moi qui n'ai pas souffert, n'aimant personne, moi, pauvre grelot vide où manque ce qui sonne, gueux, qui vais mendiant l'amour je ne sais où, à qui de temps en temps le destin jette un sou, moi, cœur éteint, dont l'âme, hélas, s'est retirée, du spectacle d'hier, affiche déchirée. Vois-tu, pour cet amour dont tes regards sont pleins, mon frère, je t'envie autant que je te plains. Rue Blas.